Cartel Records. Oula, plus bull comme un mec d'Erles. Jack Billy. Plus bull comme Nazar, comme Shakur, je sais pas moi, comme Boulette. Jackie, je sais pas moi, Doogie. J'suis avec le S, carré, voilà. Il go dans ma tête c'est le spul. Je viens kicker ça les GT texte en bas. 2x370 tu sais que c'est de la bonne. Y'a toutes sortes de dope que les man déballent. Démarre la canne B ne la fais pas grincer. Comme Narpé des fois je fais des choses insensées. Ma tête au parquet tu sais que c'est un classique. Je fais spul comme un terreau, pas de plastique. Ça fout spul même dans le biz. Y'a trop de poucaves, y'a trop de bise. Connais tu le coup de couteau dans le dos mon frère. Juste après t'avoir fait la bise. La vie d'un sbeulard c'est étape par étape. Je préfère être de ceux qui vendent plutôt de ceux qui tapent. Quand tu fous sbeul y'en a plus d'un que ça choque. Mais harbiz mes négues n'ont pas peur de l'échec. Envoyez les papiers ensuite ouvrez les portes. On en a marre de se faire palper que les schmilles cassent la porte. 2x37 BOULAR. Si on veut ta peau c'est dans ta ville qu'on erre. 2x37 BOULAR. Si on veut ta peau c'est dans ta ville qu'on erre. 2x37 BOULAR. Si on veut ta peau c'est dans ta ville qu'on erre. Négro c'est le sbeul. C'est le spell. A chaque sortie de la SG agro c'est le feu. Les gars ne sont pas nets mais plutôt flous. Le comportement varie comme les flots. Nous ne foutons pas le même désordre. MONT nous ne sommes pas les autres. Mis de côté normal que ça déborde. T'étonnes pas qu'on soit sur tes côtes. Je déboule comme un dégât des eaux. Je mets des coups de boule décisifs comme Zizou. Déterminé qu'importe les saisons. Tu vas te faire hagard comme le dernier des bisous. Je te serre la main, je te fais pas de bisous. La mise même si j'ai ton cas vu dans le visu. À moitié rangé, pourquoi tu nous raisonnes. À deux doigts d'exploser comme le Vésuve. Contre peu de personnes car beaucoup m'ont déçu. Je connais la bravoure et la lâcheté de l'homme. Les apparences sont très loin des idées reçues. Combien pour la gloire sont prêts à vendre leur âme. Ma vérité est une arme, fuck la variété, je fais du RAP, mon art de MONT vient l'aspiration, on a dû faire les choses très tôt et d'autres très tard, c'est moi qui mets les coups de pression, donc je n'ai pas tort. De tout ce que j'ai fait, toujours à la hauteur, je viens de m'enfermer, il est bosqué et pas des abords, 370 km/h au compteur. Rebenga. Négro, c'est le spell, c'est le spell. C'est le spell, là ouais, le spell. UF, c'est le spell. A chaque sortie de la SG agro, c'est le spell. C'est le feu.